I'm an individual. I'm an individual. I'm an individual. I'm an individual. I'm an individual. I'm a no one. I'm an individual. I'm a no one. I'm a no one. I'm an individual. I'm an individual. I'm an individual. I'm an individual. I'm an individual. I'm a no one. Le moi intérieur se divise lui-même, perd son identité et son intégrité. Il perd sa réalité et tout contact direct avec la réalité extérieure. Le refuge du moi devient une prison et son prétendu asile, un enfer. Il cesse de connaître la sécurité de cette prison pour se retrouver dans des champs de torture.